130 livres. Mathias Koepping, Le Manufacturier est votre second roman. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui vous a amené à l'écriture? Avez-vous eu une ou plusieurs vies liées à la réalité que vous dépeignez, police, justice ou médias? Mathias Koepping. Je ne suis pas auteur à plein temps et je ne compte pas le devenir. C'est une carrière très angoissante que je n'envie pas aux intéressés, même si j'apprécie certains aspects de la vie d'écrivain, notamment les échanges avec les lecteurs. Ma vie et mon métier sont tranquilles et très éloignés de ce que je décris dans mes romans. Pour moi, l'écriture est une sorte de démangeaison ponctuelle plutôt qu'un plaisir ou un besoin viscéral. Je peux passer des semaines ou des mois sans écrire. La recherche m'intéresse tout autant et j'y consacre beaucoup de temps. J'ai écrit 2 ou 3 romans il y a bien longtemps, des polars que j'ai bazardés, et puis je m'y suis remis 13 ans plus tard avec Les Démoniaques. Je ne comptais même pas l'envoyer à un éditeur, c'est mon épouse qui m'en a convaincu, pour éviter des regrets éternels. Je ne connaissais pas Ring, mais un minimum d'informations m'a convaincu que le ton du roman était celui qu'ils recherchaient. Et ils ont pris le texte. 130 livres. Quelles ont pu être vos inspirations, en particulier dans le roman noir? Mathias Koepping. Je lis de tout et pas spécialement des polars ou du roman noir. J'aime bien ce que fait Michel Houellebecq, son regard sur l'époque. En général, les œuvres les plus déjantées sont celles qui m'intéressent le plus, comme celle de Céline. Les dystopies également. On s'aperçoit aujourd'hui de la pertinence d'un Orwell, la surveillance généralisée, le penchant irrépressible qu'a l'homme de faire le mal et se repaître de son spectacle. Les réseaux sociaux n'ont rien ajouté au mal en soi, mais lui ont donné une formidable caisse de résonance. Comme Orwell, les écrivains sont souvent clairvoyants. Et puis je m'intéresse énormément à l'actualité locale, française ou internationale. J'ai par exemple beaucoup appris sur le Darknet, même si je ne m'y suis jamais rendu. Hors de question de gonfler les statistiques des sites des pires cinglés. Visiter les pages dédiées à certains gangs de narcotrafiquants mexicains sur le web classique m'a bien suffi. 130 livres. Philippe Kerr, dans son travail de romancier sur la Seconde Guerre mondiale, trouvait déjà une ambiance particulière et un niveau de cruauté encore accru aux événements des Balkans par rapport au reste de l'Europe. Qu'est-ce qui vous a spécialement intéressé dans les conflits d'ex-Yougoslavie? Mathias Koepping. J'avais 20 ans quand la dernière guerre a éclaté là-bas. Elle m'a marqué. Les images diffusées au journal télévisé étaient saisissantes, beaucoup plus crues que celles montrées aujourd'hui. En commençant mes recherches, je me suis aperçu que même le gouverneur mis en place par l'Allemagne nazie pendant l'occupation avait dû mettre le holà sur les exactions commises par leurs alliés oustachis croates. Elles étaient contre-productives, convainquant les populations de rallier les tchétniks serbes ou les partisans de Tito. D'une façon générale, les ardoises entre les protagonistes des Balkans remontent à des siècles et expliquent la perpétuation de bien des haines jusqu'à notre époque. Il y a peu de raisons que ça s'arrête un jour. D'ailleurs, je n'ai pas cherché à rétablir l'image de tel ou tel camp. À ce sujet, les Serbes en veulent encore beaucoup à la France, alliée historique, d'avoir participé à leur diabolisation de l'époque, alors que le président croate Tudjman brandissait l'ancien drapeau des Oustachis en toute impunité. Je retiens de tout ce que j'ai appris qu'il est inutile de compter les points, donc je les renvoie dos à dos. Le sujet du manufacturier, l'importation de la guerre des Balkans en France, est une réalité. Déjà à l'époque, les spécialistes alertaient sur la probable arrivée de criminels endurcis sur le territoire français dès la fin des opérations militaires. Une part importante des Kalachnikovs, si prisés des voyous de nos cités, vient directement d'ex-Yougoslavie. Et les Albanais sont très présents dans les réseaux de prostitution implantés dans l'Hexagone. Pour moi, la question méritait donc d'être traitée. 130 livres. Sur votre écriture elle-même, vous êtes-vous fixé des principes ou objectifs particuliers sur la construction des phrases, le rythme, le vocabulaire ? Comment construisez-vous vos romans? Mathias Koepping. Je compare mon travail à celui de l'artisan qui construit patiemment un meuble. Je ne sais jamais où je vais. En général, je démarre d'une situation que je visualise parfaitement, à partir de laquelle je déroule l'intrigue. Pour Les Démoniaques, c'était le chapitre 2. Pour Le Manufacturier, c'est la scène du transformateur. Il m'arrive de rencontrer des impasses et de devoir faire volte-face. J'ai encore plusieurs dénouements en tête au moment où 95% du matériau est déjà prêt. Le style que j'utilise est très naturel chez moi. L'écriture d'un roman noir doit être soignée, sans être de la recherche littéraire pour autant. De mon propre chef, j'ai un peu réduit les descriptions des démoniaques parce qu'elles nuisaient au rythme de l'action. Pour Le Manufacturier, le texte publié est très proche de sa version d'origine. 130 livres. Le parler des cités ou celui des flics du manufacturier est assez saisissant de réalisme, comme d'ailleurs les autres aspects du roman. Sur quoi vous êtes-vous fondé pour le retranscrire aussi fidèlement? Mathias Koepping. Il faut adopter une langue cohérente avec le profil des personnages et les laisser vivre leur vie. Le parler des cités évolue très vite et l'on m'a fait remarquer que certaines expressions étaient déjà un peu datées. Il y a beaucoup de grossièreté dans les démoniaques, mais elles correspondent au milieu et aux personnes concernées. Beaucoup de polars et séries policières grand public sonnent faux, car ils sont trop lisses. Je refuse pour ma part le hors-champ, pour l'action comme pour les dialogues. À l'écran, quand quelque chose d'insoutenable va se passer, on filme la porte qui se referme dessus, mais le sujet n'est pas la porte. Seul un Kubrick dans Orange Mécanique s'était permis une grande fidélité au texte d'origine de Burgess, phénoménal de richesse langagière. Et encore, le film a vieilli. En général, l'écriture permet d'aller beaucoup plus loin que l'image. Elle permet aussi, pour le lecteur, de choisir de s'arrêter à temps s'il n'est pas en phase avec ce qu'il lit, sans subir une image qu'il n'oubliera jamais. 130 livres. Les protagonistes du manufacturier sont rarement aimables. Quel est votre rapport avec eux ? Vous cherchez manifestement à comprendre ces salopards le mieux possible, mais les aimez-vous ? Mathias Köpping. Je laisse vivre les personnages, sans me censurer sur leur attitude ou leur expression. Ils m'intéressent énormément, même si je ne les aime pas plus que le lecteur. L'important est qu'ils sont des personnages de fiction, ils ne sont pas moi. Je ne crains pas d'y être assimilé. Les principaux personnages du manufacturier sont souvent détestables et amoraux, mais c'est le cas de beaucoup de vrais salauds. Quand on observe le réel, on trouve plus barbare qu'eux. J'ai d'ailleurs appris un principe important en questionnant des spécialistes en psychologie criminelle. La plupart des pires ordures qui soient ne sont pas des fous cliniques. Ils ont la notion du bien et du mal, et choisissent le mal de manière délibérée. 130 livres. Vous avez dit que l'écriture du manufacturier était un défi lancé à vous-même. Vous êtes-vous senti évoluer pendant son écriture ? Existe-t-il un risque de devenir complaisant, blasé ou insensible aux extrémités que vous décrivez ? Mathias Köpping. Il m'arrive d'écrire un passage particulièrement éprouvant et de ne plus pouvoir écrire pendant des semaines. Mais je n'ai pas de dilemme moral. Si les témoignages existent, si l'on a la certitude que de tels faits ont bien été perpétrés, alors on peut les rapporter. J'ai consulté assez d'archives du tribunal pénal international de La Haye pour savoir que je n'ai rien exagéré, aussi insoutenable que puissent être certaines descriptions. Il ne s'agit pas de choquer, mais d'être à la hauteur du sujet que j'ai choisi. Comme disent les Américains, « show, don't tell ». La société édulcore la violence. Mais avec un peu d'intégrité, on peut affirmer que si le colonel Moutarde a tué quelqu'un avec un chandelier dans Cluedo, il a forcément laissé des traces assez pénibles à regarder. Et une fiction, même ultra-réaliste, reste une fiction, alors qu'un fait divers est épouvantable. Dans mes romans, les femmes subissent des traitements très dégradants. Mais là encore, ils reflètent la réalité. Et encore, ce qu'on inflige aujourd'hui aux gamines du Nord Kivu dépasse de loin ce que je raconte, moi. Cela dit, la question de la complaisance dans la relation de la violence reste clé. J'y pense en permanence lorsque j'écris. Les réactions des lecteurs sont très intéressantes. Certains ont été choqués, d'autres ont jugé le manufacturier conforme à leurs attentes, d'autres encore ont presque été déçus vu les annonces. Les seuils de tolérance sont très variables au sein de mon lectorat. 130 livres. Vos premiers livres sont durs, explorant la cruauté de l'homme et la noirceur des âmes. Seriez-vous intéressé par d'autres registres ? Mathias Köpping. Je ne l'exclus pas. Là encore, ça part de scènes que je visualise. J'en ai une ou deux en tête qui pourraient bien donner des livres de genres différents. On ne sait jamais. 130 livres. Avez-vous eu des retours de la part d'acteurs ou victimes du conflit yougoslave ? Si oui, quels sont-ils ? Mathias Köpping. Sur des salons, notamment, j'ai pu croiser des militaires ayant participé à cette guerre qui m'ont affirmé « on s'y croirait », notamment le passage sur l'opération de la poche de Médac. C'est évidemment très satisfaisant pour moi. Idem pour des personnes originaires de là-bas. Ce que j'en retiens, plus que le jugement de valeur, souvent positif sur le bouquin, c'est que ces personnes nourrissent un fort ressentiment vis-à-vis des autres communautés que la leur. Encore une fois, nous n'avons vraiment pas idée, vu d'Europe occidentale, de la brutalité des relations entre orthodoxes, catholiques et musulmans des Balkans. 130 livres. Les personnages qui ont survécu au manufacturier pourraient-ils apparaître de nouveau dans de futurs romans ? Mathias Köpping. La fin ouverte du manufacturier répondait pour moi à une nécessité, celle de montrer que la guerre et la violence entre ennemis séculaires se poursuivront toujours sur d'autres théâtres d'opérations, même si elles sont jugulées par endroits. Cela ne signifie pas que les survivants en question apparaîtront dans de prochains livres. Rien n'est impossible, mais ce n'était pas dans mon esprit le premier tome des aventures de X ou Y. 130 livres. Le propos principal du manufacturier consiste-t-il au fond à montrer sans phare comment les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et médiatiques s'organisent de concert pour occulter le réel dès lors qu'il dérange trop ? Mathias Köpping. Je crois dans les méfaits d'une trop grande maternisation des personnes par l'État. Il assiste et protège sans doute trop. Les statistiques sur la criminalité le démontrent. La violence augmente de nos jours et elle est intolérable. Il faut la montrer sans l'aseptiser. La littérature peut et doit prendre ce risque-là tant qu'on l'y autorise. L'exemple américain des Sensitivity Readers est assez effrayant de ce point de vue. Ce sont des lecteurs chargés par les éditeurs d'identifier la moindre offense potentielle à toute population supposée en vue de la supprimer. Par exemple, on ne pourrait plus évoquer un chien handicapé pour ne pas blesser les humains qui le seraient. C'est délirant. Ce que j'évoquais sur les JT est authentique. Paradoxalement, les médias traditionnels édulcorent la violence, alors que les jeunes peuvent désormais trouver par eux-mêmes des images ultra-traumatisantes sans aucune mise en perspective. Beaucoup de signaux concernant l'état de la société et du monde, tels l'écologie, l'accès à l'eau potable, la toxicomanie ou la criminalité violente, virent aujourd'hui au rouge. Même si je suis quelqu'un d'affable, qui aime rire, je reconnais volontiers être un vrai pessimiste. Cela se ressent dans mes romans, et en avoir conscience me permet parfois de penser contre moi-même. Dans tous les cas, l'humanité va devoir résoudre beaucoup de questions cruciales à brève échéance. La littérature ne doit pas les occulter. 130 livres. Omniprésente, la violence du manufacturier est rarement un combat à la loyale, voire un combat tout court. Même si le personnage de Vladimir Radich est un pratiquant d'arts martiaux et de sports de combat, on assiste plutôt jusqu'au dénouement à l'application systématique d'une implacable loi du plus fort. Le combat à la loyale hors d'un ring est-il une pure illusion de film hollywoodien ? Mathias Koepping. Dès Homère ou Chrétien de Troie, comme dans la plupart des westerns, on a héroïsé et esthétisé la violence. C'est un mensonge. Dans les batailles, l'objectif est toujours de survivre aux dépens de l'adversaire, et tous les moyens sont bons pour ça. Dans le sport, en full contact comme en rugby, la violence est un rituel fondé sur des règles qui n'ont pas grand-chose à voir avec les règlements de compte ordinaires entre truands. Là, on est à 5 contre 1, et le bonhomme tout seul dérouille. C'est comme ça que les choses se passent, et pas autrement. 130 livres. Lors d'une précédente interview, vous avez évoqué votre intérêt pour le Mexique. Quel pourrait être un angle neuf de romancier par rapport à celui d'un Don Winslow sur la situation du pays ? Mathias Koepping. Pour être honnête, je possède l'un des livres de Winslow, mais je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais d'ailleurs pas si je le lirai avant d'avoir écrit mon propre bouquin sur le sujet, histoire de rester vierge de trop d'influence sur la question. Pour l'instant, je me documente sur le Mexique, mais comme je l'ai déjà dit, les recherches sont une passion en soi et il n'est même pas dit que j'en ferai un livre.